Amis golfeurs, l'Intermarché Flore à la chance de Saint-Prime vous invite à profiter de ses spécialités sur le grill afin d'agrémenter votre 19e trou. Dégustez nos 10 variétés de succulentes saucisses préparées en magasin. Régalez-vous de nos exquises rosettes de saumon farcies au fromage et aux crevettes. Ou encore, tous les vendredis, expérimentez nos réputées savoureuses côtes de dos cuites sur place. Pour un après-golf réussi, pensez l'Intermarché Flore à la chance de Saint-Prime qui profite de l'occasion pour vous souhaiter une excellente saison. Chronique du club de golf de Saint-Prime avec notre ami Gilles Larouche. Salut Gilles. Bonjour. Gilles, il y avait le fameux golf, le fameux traditionnel golf tournoi Saint-Prime de Beaumont-Sessny. Ça s'est passé en fin de semaine. Oui, ça s'est passé la fin de semaine dernière. Il y a eu 100 participants. Okay. Environ 50% des deux clubs. Et disons que Dame Nature était avec nous, on était chanceux, les orages nous ont effleurés et la température était idéale pour golfer en compagnie de nos amis. OK. Et les gagnants, on les a nommés. Est-ce que tu connais de mémoire? Oui, je les ai avec moi. Je peux y aller rapidement. Dans la classe A, on a M. Yves Gagnon et Jacques Besson de Beaumont-Sessny qui ont joué en compagnie de Mme France Kertness et Gilles Tremblay de Saint-Brime. Dans la classe, toujours A, qui ont terminé en deuxième position, Martin Lemieux, Junior Richard de Beaumont-Sessny, Denis Gill, Réal Bouchard de Saint-Brime. Les champions, les grands gagnants du B, Gilles Asselin, Alain Michaud, Mona Moreau de Beaumont-Sessny, en compagnie de M. Michel Genet. Et deuxième position de classe B, M. Serge Hudon et Robin Gagnon de Saint-Brime, en compagnie de Jean-Guy et Rachel Rioux de Dolbeau. Encore une fois, il y a eu quand même passablement d'inscriptions. Aujourd'hui, au moment où on se passe, c'est le tournoi à Tikamek. Ça, c'est le tournoi des Amérindiens, c'est ça? Exactement, c'est la communauté d'Obelka qui organise un tournoi en compagnie des commanditaires, des compagnons, disons, de la communauté. Et disons qu'aujourd'hui, environ plus de 100 joueurs. Ils ont pris le départ à compter de 12h30 et ils vont terminer le tout avec un festin de doré pour... Ah, ça va être très, très bon. Chose à ajouter pour les prochaines journées, qu'est-ce qui va se passer? Ben, dans les prochaines journées, demain, on a un petit tournoi membre-non-membre avec des copains. Il devrait y avoir environ une soixantaine de personnes. On fait ça le vendredi après-midi. On charge un petit montant pour... C'est plus un petit tournoi rassembler les gens autour, après ça, d'une consommation, un petit tournoi social. Okay. Et au cours des prochaines semaines, je te dirais, Danny, c'est un peu plus tranquille et c'est voulu, parce que c'est un bon moment pour le golf. Alors, on a beaucoup de gens d'extérieur, on appelle des joueurs journaliers. On veut leur laisser le maximum d'espace possible pour pouvoir, œuvrer sur notre terrain. Mais nous, on est en grande préparation pour le méga golf qui s'en vient là, très bientôt dans le coin du 21. OK, ça promet énormément, ça, là. Bien, je pourrais dire que l'événement est tellement rendu important que même TVA Sport va se déplacer cette année. Hein? Oui, avec notre ami Daniel Melançon, golf. OK, oui. On va peut-être tourner l'émission ici, parce que le concept qu'on fait, il est unique au Québec. Avec un concours de long drive où est-ce qu'on a un championnat de l'Est du Québec. Après ça, on a un skin game où est-ce qu'on a demandé même à M. Melançon de participer en compagnie de Kevin Fortin-Simard, P.A. Bédard. Bédard, oui. Et puis Jonathan Lambert. On a le tournoi des équipes. Après ça, on a un tournoi ici qu'on appelle le Saint-Prime Open. Puis le dimanche, on termine avec le tournoi fildé régional. Alors, c'est tout qu'un événement pendant 4 jours. C'est très concentré. Et ça a été assez pour, je pourrais dire, piquer la curiosité des gens de TVA Sport qui vont venir passer 2 jours et demi. OK, donc bravo. Puis quelque part, c'est une belle visibilité pour TVA Sport, là. Ben, définitivement, c'est une belle visibilité pour tout le monde. C'est une belle visibilité aussi pour le monde. Ben, effectivement. Donc, autre chose à ajouter peut-être en terminant? Ben, nous, en terminant, j'aimerais peut-être te souligner que hier, on a débuté avec nos chiens. Oui. Et l'an passé, on croyait avoir eu le record absolu, mais on l'a battu. L'année passée, on a eu 51 jours. Hier, on a eu plus de 60. OK. Alors, c'est une énergie qui est incroyable. Je peux te dire, c'était l'occasion de venir nous visiter pendant qu'ils sont ici. Disons que c'est une belle relève. Et c'est OK. On s'en reparle la semaine prochaine? Merci. merci beaucoup. Donc voilà, c'était le directeur général du club de golf de Saint-Prime, Gilles Larouche.